quatrième signe. C'est le saint, béni soit-il, faisant tomber une rosée de guérison pour soigner le sang, et ceux qui sont entre les deux extrêmes en boiront et guériront des maladies comme il est dit. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, il enfoncera ses racines comme le chêne du Liban.